Et tout de suite, c'est l'interview du 13 en forme. Et oui, aujourd'hui, nous recevons Didier Fessard de l'association Solidarité Nouvelle face au chômage. Bonjour, monsieur Fessard. Bonjour. Vous êtes bénévole dans l'association SNC et ce samedi au Parc Collery, vous allez être présent pour notamment fêter les 40 ans de l'asso, mais aussi pour discuter avec le public. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Solidarité Nouvelle face au chômage ? Bien sûr, donc l'association, tu viens de le dire, a 40 ans, elle a été créée en même temps que Fadjet, hein, c'est la même année en tout cas. Ça fait 40 ans qu'on essaye de mobiliser des citoyens pour lutter contre le chômage. Partout en France, hein, l'association est nationale, et nous accompagnons chaque année environ 4000 chercheurs d'emploi. On dit chercheurs d'emploi parce que pour nous c'est important, ce ne sont pas des gens qui attendent, ce sont des gens qui cherchent et qui ont d'ailleurs souvent du mal à trouver. Notre principale activité, c'est d'accompagner bénévolement, gratuitement, le temps qu'il faut, toutes les personnes qui le souhaitent, qu'ils soient jeunes, vieux, hommes, femmes, diplômés, pas diplômés, dans la mesure où ils ont le droit de travailler en France, on leur consacre le temps qu'il faut pour qu'ils avancent dans leur recherche, qu'ils trouvent eux-mêmes leur chemin vers l'emploi. On a aussi d'autres actions, mais j'en parlerai juste rapidement. On est aussi un peu des porte-parole de ces populations-là. Quand on entend à la radio qu'on veut encore réformer l'assurance chômage, on ira peut-être se battre contre certains préjugés qui pensent par exemple que c'est en payant moins, en remboursant moins, en indemnisant moins, pardon, le terme, les chercheurs d'emploi, qu'on va les pousser à travailler. C'est pas sûr que ce soit une bonne méthode. D'accord, et puis en fait, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre cette association ? Parce que vous avez parlé hors antenne du fait que tout le monde était accueilli là-bas. Qu'est-ce qui a fait que vous avez envie? Alors moi, personnellement, j'ai depuis longtemps eu des engagements associatifs. Je suis convaincu d'une des valeurs de SNC, c'est que la société se construit aussi par l'action des citoyens. C'est comme ça que j'ai rejoint il y a déjà un certain temps SNC à Nancy. Avant, j'étais engagé aussi beaucoup autour des questions de handicap. Mais l'important, c'est ce que vous avez dit, c'est que toute personne qui peut consacrer, qui souhaite consacrer du temps à aider des chercheurs d'emploi à s'en sortir, est la bienvenue chez nous. Et en plus, elle ne sera pas seule, on accompagne toujours à deux. On est à deux pour accompagner les chercheurs d'emploi. Et on forme nos bénévoles pour qu'ils soient relativement à l'aise par rapport à ce que c'est qu'accompagner une personne, l'aider à avancer, etc. Voilà. Parlons un petit peu de l'événement de samedi. Alors à la Guinguette Aulerie de 15h à 16h, qu'est-ce que vous allez proposer sur ce créneau horaire, en plus du fait que vous allez fêter les 40 ans de l'asso? Alors la Guinguette Aulerie, c'est effectivement une guinguette solidaire, elle a été créée par le CCAS de Nancy et pour nous c'est important de travailler avec d'autres associations. Là ce sera nos amis de la rue qui accompagnent des personnes, en difficulté notamment, en leur faisant une permanence une fois par semaine pour les aider à nourrir et pas être seuls. Il y a aussi d'ailleurs... c'est un peu le hasard, mais il y a aussi la fin de l'ours qui sera là, qui fait des jeux de rôle. Et comme par hasard, ce qu'on va présenter, nous, c'est aussi un jeu. Alors, on ne le fera pas complètement parce qu'il faudrait 3 heures pour le dérouler. On fait le lien entre la transition écologique, l'emploi et la solidarité. La transition écologique, elle est devenue, vitale, même si... on pourrait en discuter, on fait peut-être pas tout ce qu'il faut pour s'en sortir, mais en tout cas, c'est essentiel pour tous les hommes sur la planète et tout le vivant sur la planète, j'allais dire. Et elle va modifier nos emplois. Il va falloir créer de nouveaux emplois. Par exemple, il va falloir développer des emplois dans l'agriculture pour être plus proche des utilisateurs, éviter de faire des transports depuis l'autre bout de la planète. Il va y aussi avoir des emplois supprimés, par exemple dans l'automobile telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Probablement on passera à d'autres types de motorisation, mais il y a ce qui est inscrit dans la loi, ce qui se passera, mais en tout cas le mécanicien qui sait faire que de la thermique, il va se retrouver au chômage. Donc il faut aider les personnes à s'orienter vers des métiers qui répondent mieux à leurs aspirations et aussi qui protègent mieux la planète. Et vous venez donc d'expliquer qu'est-ce que c'est un petit peu l'emploi durable. Quelles sont les principales activités ou programmes mis en place pour les favoriser, ces Alors, emplois? En fait, ce qu'on va faire, c'est une action de sensibilisation, donc on va jouer avec un jeu de cartes, on peut dire en 3 étapes. Première étape, on va justement réfléchir ensemble sur qu'est-ce que c'est que la transition écologique, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qu'il faut faire. Si je vous cite un chiffre qui n'est pas très connu, des associations qui ont travaillé sur le sujet estime que si on fait rien sur la transition écologique, ça va nous coûter 100 milliards d'euros par an à comparer en France, hein, à comparer aux chiffres qui circulent actuellement, on voit que c'est un vrai enjeu, y compris économique. Donc on va travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment chacun peut se former à ces sujets, peut agir et modifier les conditions dans lesquelles il travaille? Deuxième étape, on fait un petit jeu sur par secteur pour essayer de demander aux gens de classer les secteurs en fonction des émissions de gaz à effet de serre. C'est souvent assez marrant de faire ça ensemble. Et puis troisième partie, on va parler aussi de ce que c'est qu'un emploi sain pour soi, ce qui est essentiel pour nous, parce que quand on dit emploi durable, c'est un emploi où la personne, si possible, et bien là, dans ses baskets, dans ce qu'elle fait, et un emploi stable, c'est-à-dire pas simplement je suis obligé de changer tous les deux mois de boulot et de rechercher, etc. Enfin, en tout cas, dans la conviction de SNC, c'est ça. Or, quand on sait que, par exemple, 44% des salariés aujourd'hui en France estiment qu'ils sont pas bien dans leur boulot, il y a quelque chose à faire. Alors, c'est pas le boulot de SNC, nous, on n'est pas directement sur l'emploi actuel, mais en tout cas, il y a quelque chose à faire pour aller vers un emploi plus sain vers les personnes. Et donc, la troisième partie, c'est un échange sur ça autour de qu'est-ce que c'est qu'un emploi sain pour la personne et comment on peut faire pour y aller. Et vous venez donc de parler aussi donc d'échanges avec les personnes. Est-ce que vous allez aussi, pendant ce créneau, aussi échanger avec des personnes qui sont simplement en recherche d'emploi? Alors, il y aura effectivement des personnes en recherche d'emploi, il y aura des citoyens les uns comme les autres, il y aura aussi des... Enfin, on a invité des partenaires, je ne sais pas s'ils seront là ou pas, et puis il y aura tous ceux qui ont envie d'être à la guinguette et de passer un bon moment. On espère qu'il fera beau, simplement. Pour terminer, dernière question, pour ceux qui voudraient s'investir dans l'association, comment on peut devenir bénévole et comment soutenir SNC? Alors... Comment devenir bénévole? Le plus simple, c'est soit de contacter via notre site national qui est snc.asso.fr, soit directement à Nancy de nous écrire à l'adresse mail snc.nancy@snc.asso.fr. Et comment nous soutenir aussi? On peut aussi nous soutenir d'une autre manière. D'abord, en parlant de l'association à des personnes en recherche d'emploi à qui ça peut être utile, mais aussi éventuellement en faisant des dons, puisque notre association se distingue d'autres, puisqu'on a 90% de nos recettes qui sont soit des dons individuels, soit des dons de fondations. Donc si une entreprise, je dirais, Lorraine, a envie de nous soutenir, elle est la bienvenue. Bien, merci beaucoup Monsieur Fessard d'avoir été notre invité. Au plaisir de vous retrouver donc samedi 19 juillet à la Guinguette-Houlerie de 15h à 16h pour les 40 ans de l'association Solidarité face au chômage avec des discussions autour de l'emploi durable. Évidemment, pour plus d'infos sur l'asso, n'hésitez pas donc à aller sur le site internet snc.inso.fr. Merci encore Monsieur Fessard et à très bientôt. Merci.